Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 6, colonne 1. Trop de collège. Un correspondant de l'Étendard termine sa lettre par les réflexions qui suivent. Mais, s'il nous était permis, à propos de collège, de faire une remarque, non à cause de celui de Rimouski qui est nécessaire au diocèse, nous dirons que les maisons de haute éducation sont bien trop nombreuses et qu'elles constituent en quelque sorte un danger national en permanence. Que de pauvres jeunes gens, enlevés à l'agriculture, sont, à cause de la proximité d'un collège, etc., jetés dans les professions libérales. Hélas, la plus triste des misères est la pauvreté en habit noir. Nos villes regorgent d'hommes de profession. Les médecins n'y ont plus de malades, ni les avocats de cause. Alors, c'est la misère la plus triste de toutes. C'est le désespoir qui se manifeste par l'ivrognerie souvent. La cause a été la facilité avec laquelle l'on se procure une éducation classique. Je livre à la méditation de qui de droit cette proposition. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.